car je suis sourd d'avoir traîné dans la basse-cour. Poulailler de la nation, ça claque ta toutes les saisons, ça parle de tout et même d'amour. Ça parle d'amour et de retour, même qu'on oublie ce qui se passe autour. Quand on sera noyé dans l'histoire qui croise son devoir de mémoire, on sera pas plus loin qu'hier soir. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent ici et se reposent. Les arbres restent et se reposent. C'est bien seul. Ta coquille soit plus fort, tiens-toi donc droit, fais un effort. Car voyons, si tu veux briller en société, c'est pas gagné, tu sais que c'est le culte du corps. Fais donc une série de pompes encore, arrête-toi juste avant la mort. Mort, mort, le premier qui te bouscule un peu ton uniforme. Quel qui est bleu, tout donne ce pouvoir, tu le peux. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent ici et se reposent. Les arbres restent et se reposent. C'est bien seul. That's it, man. Game over, man. And moral terror are your friends. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent ici et se reposent. Les arbres restent et se reposent. Les arbres restent et se reposent. Yeah.